Et si tu dors, dans ton pays, hélas, tu m'entraînes, là où tu te prélasses, tu me traînes, je resterai à ma place, je te freine, quel est donc ton mot de passe, quelle humeur t'emmène. Je sens des hauts, je sens des bas. Dans ton pays, Elias, tu m'entraînes. Là où tu te prélasses. Tu me traînes. Je resterai à ma place. Je te ferai. Quel est donc ton mot de passe? Je sens des hauts, je sens des bas.